de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Faux-nez, vraie querelle, masque, fausse barbe, faux accent, vrais anarchistes, faux anarchistes, vrais et faux policiers, on n'y comprend plus rien. Tant mieux. Langage par geste ou par tapotement? Où sommes-nous donc? Toujours dans un thriller métaphysique, ou bien dans un roman policier, ou encore dans un roman d'espionnage? Il est certain que, quoi qu'il en soit, nous sommes manipulés. Ne cherchez pas à fuir. Chaque fois que les personnages du nommé Jeudi essayent de fuir, ils retombent sur Dimanche. Dimanche les tient dans le creux de sa main. En saura-t-on plus en suivant les épisodes 6, L'homme aux lunettes noires, et 7, Le duel, adaptation du roman de Gilbert K. Chesterton? Qui sait? Première diffusion sur France Culture de ces épisodes, les 12 et 13 septembre 1983. Vous êtes bien un anarchiste. Vous êtes bien un dynamiteur et non pas un détective. Vous n'appartenez en aucune façon à la police britannique. Je n'appartiens pas à la police britannique. Ah, c'est dommage, car moi, j'en suis. Vous êtes quoi? Qu'êtes-vous? Un policeman? Puisque vous estimez que le mot policeman n'a qu'un sens relatif, nous ne pouvons nous entendre. Je suis de la police britannique et vous n'en êtes pas. Je n'ai donc qu'une chose à vous dire. Je vous ai rencontré dans un club de dynamiteurs et je pense que mon devoir est de vous arrêter. Mais qui me prouve? Cette carte bleue. Oh. Et voici la mienne, camarade. Le nommé Jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, sixième épisode, L'homme aux lunettes noires. Avec Pierre Arditi, Roger Carrel, William Corinne, Julien Guillaumard. Réalisation Claude Roland Manuel. Bonjour Sime, comment vous sentez-vous ce matin? Bonjour professeur. Pardonnez-moi pour hier soir, mes plaisanteries étaient tout à fait regrettables. J'avais un peu trop bu de cet excellent Bourgogne. J'ai rêvé de votre alphabet. Vous a-t-il fallu beaucoup de temps pour le mettre au point? Professeur, je vous demande s'il vous a fallu beaucoup de temps pour trouver tout cela. Dans l'invention, on témoigne d'une réelle ingéniosité. J'ai eu besoin d'une bonne heure d'exercice pour m'y mettre. Avez-vous pu tout de suite vous exprimer ainsi? Combien de temps vous a-t-il fallu? Enfin, que Dieu vous confonde! Êtes-vous devenu muet? Mais est-il devenu fou ou bien? Mais que sais-je après toute cette créature étrange dont j'ai accepté sans méfiance l'amitié? Que sais-je sinon que j'ai rencontré cet homme au déjeuner des anarchistes, puis que je lui ai entendu raconter une histoire ridicule? N'est-il pas invraisemblable que le conseil présidé par Dimanche compte, outre Gogol, un autre ami? Et que signifie son silence? Une sensationnelle déclaration de guerre? Faut-il lire dans ses yeux sans vie l'affreuse pensée d'un triple traître qui vient de déserter pour la troisième fois? Ah, suis-je sot? Je ne regardais pas vos doigts. Ah, c'est avec votre alphabet que vous me répondez. Que me dites-vous? Je ne veux parler qu'ainsi. Il faut nous y habituer. Voici ma réponse. Syme songeait que ce nouvel épisode où il s'engageait était de tous ceux par lesquels il avait passé déjà le pire. C'était froid, raisonnable et terrible. La veille, le grand bâtiment lui était apparu comme une tour telle qu'on en voit en rêve. Maintenant, il s'étonnait de ses marches interminables, fatigantes. Il était comme intimidé de leur succession infinie. Ce n'était pas l'horreur ardente du songe, de l'illusion, de l'exagération. C'était de l'infini abstrait, mathématique. Quelque chose d'impossible à penser et d'indispensable pourtant à la pensée. Cela rappelait les constatations stupéfiantes de l'astronomie sur les distances qui séparent les étoiles fixes. Syme faisait l'ascension du palais de la raison, laquelle passe en hideur la déraison elle-même. Bonjour. Il semble plus pâle et plus anguleux que pendant le déjeuner sur le balcon. Ses lunettes lui donnent l'apparence d'une tête de mort. Je m'excuse de vous déranger de si grand matin, camarade samedi. Vous serez sans doute tout préparé pour l'affaire de Paris. Tout retard, d'après les informations que nous avons reçues, serait funeste. Non, je vous en prie, ne vous blessez pas de notre procédé. Il faut modifier les plans, ou s'il est trop tard pour y rien changer, rejoindre tout de suite le camarade chargé de l'action et les prémunir contre des dangers imprévus. Les camarades Syme et moi, nous avons eu une aventure. Il me faudrait plus de temps pour vous l'expliquer qu'il ne nous en ait laissé pour en profiter. Les minutes sont précieuses, mais je suis prêt néanmoins à vous donner tous les détails si vous croyez qu'il vous soit essentiel de les connaître pour résoudre les problèmes qui nous occupent. Comme je viens de le dire, l'aventure qui nous est arrivée et qui nous amène chez vous pour nous informer au sujet du marquis est de telle nature que peut-être vous désirerez en connaître les détails. Mais, car elle est arrivée à Syme plutôt qu'à moi. Mais en effet, l'aventure m'est personnelle. J'ai eu l'avantage de m'entretenir avec un détective qui, sans doute à cause de mon chapeau, me prenait pour une personne honorable. Dans le dessein de conserver son estime, je l'ai emmené au Savoy où je l'ai grisé. Et alors il est devenu communicatif et m'a confié que la police avait bon espoir d'arrêter avant 2 jours le marquis en France. De sorte que si l'un de nous ne se met pas immédiatement à la recherche du marquis... Et ça, il me rapporta aussitôt la nouvelle. Et nous sommes venus pour demander quel usage il convient d'en faire. Extraordinaire. Il me semble urgent une extraordinaire et discutablement. Je suis un poète. Vous êtes un homme mort. Vous ne vous doutez pas combien mon idée est poétique. Elle a toute la délicieuse spontanéité du printemps. Vous êtes fou. devrais-je plutôt dire que mon idée a la fraîcheur salubre de l'air marin qu'on respire dans les forêts luisantes et humides de rosée. Ou bien encore, elle a cette réalité positive et charmante des cheveux d'or en fusion d'une belle femme. Docteur Boulle ? Docteur Boulle, voudriez-vous me faire un grand plaisir ? Ayez la bonté d'ôter vos lunettes. Vous, une si jeune homme. Oh, quand je disais que je suis un poète. Ah, je savais bien que mon pressentiment était aussi infaillible que le pape. Tout était dans ses lunettes, absolument tout. Et même en dépit de ses sacrées lunettes, sa santé, sa bonne mine, faisaient de lui un diable vivant, au moins parmi ces diables morts et déterrés. Et certainement, et il y a une différence. Pour ce qui est des plans du docteur Boulle... Ses plans ? Mais regardez donc son visage, son col, ses chaussures. Oh, que Dieu le bénisse ! Vous n'allez pas prétendre, je suppose, que ce soit là un anarchiste. Time. Par Dieu, j'en veux courir le risque. Docteur Boulle, je suis de la police. Voici ma carte. Voici la mienne. Je suis rudement content que vous soyez venu de si bon matin. Nous pourrons partir ainsi ensemble pour la France. Mais oui, je suis de la police, parfaitement. Voici ma carte. Dieu tout-puissant ! Alors, il y avait donc plus de damnés détectives que de damnés anarchistes dans ce damné conseil. Et oui, 4-3. Oh. Et nous aurions pu nous battre ? Non. Nous n'avions pas la chance d'être 4-3. Nous étions 4-1. Ne perdons pas de temps. Allons. Quel plaisir de rencontrer des copains. Je mourrais de peur de me sentir seul. Hier, j'ai failli embrasser Gogol. Ce qui eût été une imprudence, ça je le reconnais. Et au moins, n'allez pas me mépriser parce que je vous avoue ma peur bleue. Tous les diables bleus de l'enfer bleu ont contribué à ma peur bleue. Mais de tous les diables que nous redoutions, le pire, c'était vous, avec vos lunettes infernales. Oui, je suis assez réussi, n'est-ce pas ? Et que c'est simple, important. Mais l'idée ne m'appartient pas. Je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. Nous allons prendre le prochain train pour Douvres. Je vous raconterai ça dans le cab. Je vais vous dire, j'avais l'intention d'entrer au service anti-anarchiste. Mais il fallait me déguiser en dynamiteur, et tous les chefs juraient leur grand Dieu que je n'y parviendrais jamais. Ils disaient que mon allure, mon attitude, mes gestes, tout trahissait en moi la respectabilité. Vu de dos, je ressemblais à la constitution anglaise. J'avais l'air trop bien portant, trop optimiste. J'aspirais la confiance et respirais la bienveillance. Enfin, ils ne m'épargnèrent aucune injure à Scotland Yard. Ils allèrent même jusqu'à prétendre que si j'avais été un malfaiteur, j'aurais pu faire fortune avec mon air d'honnête homme. Mais que puisque j'avais le malheur d'être un honnête homme, je ne pouvais leur rendre aucun service en jouant les malfaiteurs. On me présenta néanmoins au grand chef, un bonhomme qui doit porter sur ses épaules une tête solide. Devant lui, les autres firent diverses propositions. Celui-là voulait cacher mon sourire jovial sous une barbe touffue. Celui-ci pensait à me noircir la figure pour me déguiser en anarchiste nègre. Mais le vieux les fit taire. Une paire de lunettes fumées fera l'affaire, dit-il. Regardez-le en ce moment. On dirait un angélique garçon de bureau. Mettez-lui des lunettes noires et les enfants crieront de terreur à son aspect. Et il disait vrai par Saint-Georges. Une fois mes yeux cachés, tout le reste, mon sourire, mes larges épaules, mes cheveux courts, tout contribua à me donner la mine d'un vrai diable d'enfer. Ce fut simple comme un miracle. Mais il y eut quelque chose de plus miraculeux encore. Quelque chose de vraiment renversant. J'ai le vertige rien que d'y penser. Quoi donc ? Voici. Le grand chef, qui me jaugea si vite, qui me conseilla de porter mes précieuses lunettes. Eh bien, cet homme, par Dieu, ne m'a jamais vu. Enfin, comment ? Vous dites que vous lui avez parlé. C'est vrai. Mais nous nous parlâmes dans une chambre noire comme une cave à charbon. Auriez-vous imaginé cela? Jamais. C'est du neuf, en effet. J'avais déjà pris mes précautions de manière à être en France pour le lunch. Mais je suis charmé d'avoir de la compagnie. Il m'a bien fallu mettre le marquis en route avec sa bombe, car le président me surveillait. Et comment? Je vous raconterai cela un jour. C'était à mourir de rage. Chaque fois que j'essayais de fuir, je rencontrais Dimanche. Tantôt sa figure m'apparaissait à la fenêtre d'un club, tantôt il me saluait du haut d'un omnibus. Vous direz ce que vous voudrez, mais il faut que cet homme ait fait un pacte avec le diable. Il est à la fois en 6 endroits différents. Et si je vous comprends bien, le marquis nous précède. Y a-t-il longtemps qu'il est parti? Avons-nous quelque chance de le rattraper? Oui, je me suis arrangé pour cela. Il n'aura pas encore quitté Calais quand nous y arriverons. Oui, mais à Calais, que pourrons-nous faire? Il me semble que théoriquement, nous devrions informer la police. Ben, pas moi. Théoriquement, je devrais plutôt me jeter à l'eau. J'ai juré à un pauvre diable, un nommé Grégory, un vrai pessimiste moderne, de ne rien aller dire à la police. Peut-être ne suis-je pas un très subtil casuiste, mais il m'est impossible de trahir l'engagement que j'ai pris envers un pessimiste. Il serait aussi dégoûtant de manquer de parole à un enfant. Je suis embarqué sur le même bateau. J'ai songé à avertir la police. Et je n'ai pu le faire à cause d'un serment que j'ai sautement prêté. Quand j'étais acteur, je menais une vie de bâton de chaise. La trahison, le parjure est le seul crime que je n'ai pas commis. Si je m'y laissais entraîner, il me serait désormais impossible de percevoir aucune différence entre le bien et le mal. Je suis passé par là, moi aussi. Et ma décision est prise. J'ai fait une promesse au secrétaire. Vous savez, l'homme Orictus. Cet homme, mes amis, est le plus malheureux des mortels. Je ne sais si ça lui vient de son estomac ou de sa conscience, de ses nerfs ou de sa philosophie, mais c'est un damné. Il vit en enfer. Eh bien, je ne puis me retourner contre cet homme et lui donner la chasse. Autant vaudrait fouetter un lépreux. Peut-être suis-je fou, mais telle est ma folie, et voilà tout. Oh, je crois pas que vous soyez fou. Je savais que vous décideriez en ce sens quand... Quand donc? Quand vous avez ôté vos lunettes. Eh bien, il me semble que nous avons tous les trois le même genre de moralité. Ou d'immoralité. Nous n'avons donc qu'à envisager le résultat pratique de cette concordance. Oui, vous avez raison. Les événements du reste vont se précipiter car je vois déjà le Cap Griné. Et le résultat, c'est que nous sommes tous les trois isolés sur cette planète. Gogol et Dieu sait où. Si tant est que le président ne l'ait pas écrasé comme une mouche. Au Conseil, nous voilà 3 contre 3, comme les Romains qui gardaient le pont. Mais notre situation est exceptionnellement périlleuse. D'abord parce que nos adversaires peuvent faire appel à leur organisation, tandis que nous ne pouvons nous réclamer de la nôtre. Et ensuite parce que... Parce que l'un des trois auxquels nous avons affaire n'est pas un homme. Mais voici mon idée. Faisons tout ce qu'il nous sera possible de faire pour retenir le marquis à Calais jusqu'à demain à midi. J'ai retourné une vingtaine de projets dans ma tête. Il est entendu que nous ne pouvons le dénoncer comme dynamiteur. Bon, nous ne pouvons pas davantage l'accuser de quelques moindres crimes, car il nous faudrait comparaître en justice. Et puis, il nous connaît, il éventrait la mèche. Quant à l'immobiliser sous prétexte de nouvelles combinaisons anarchistes, sans doute il avalerait bien des couleuvres de cette couleur-là, mais consentirait-il jamais à rester à Calais tandis que le tsar irait à Paris en toute sécurité? Mais l'enlever, l'enfermer, le garder à vue, oui, j'y ai pensé. Mais il est bien connu, Calais. Il a toute une garde du corps. Il est très fort, il est très brave. L'issue serait pour nous bien douteuse. Non, il faut. C'est le seul moyen qui m'apparaisse. Nous prévaloir précisément des avantages du marquis. Je compte me servir de sa réputation d'aristocrate et de ce fait qu'il a beaucoup d'amis et qu'il fréquente la meilleure société. Que diable chantez-vous là ? La famille des Saïm remonte au XIVe siècle. Nous avons même une tradition d'après laquelle un Saïm suivit Bruce à Bannockburn. Depuis 1350, notre arbre généalogique est des mieux établis. L'idée raisonne, John. Nous portons d'argent avec un chevron de gueule chargé de 3 croisillons. La devise varie selon les branches. Écoutez, nous voici au port. Avez-vous le mal de mer ou faites-vous de l'esprit hors de propos ? Les renseignements que je vous donne ont un intérêt si pratique que cela en est presque douloureux. La maison de Saint-Eustache, elle aussi, est très ancienne. Le marquis est un gentilhomme. Il n'en pourrait disconvenir. Il ne saurait de son côté nier que j'en sois un. Afin de mettre ma position sociale hors de conteste, je vais lui faire tomber son chapeau. Mais vous avez raison, nous sommes au port. Expliquez-vous. Qu'entendez-vous par lui faire tomber son chapeau ? Je m'approcherai de lui. J'enlèverai mon propre chapeau avant de lui enlever le sien. Et puis je dirai, le marquis de Saint-Eustache, il dira, le célèbre monsieur Saïm, je suppose. Voulez-vous connaître la conversation qui suivra ? J'ai tout rédigé sur ce papier. Un véritable catéchisme. Assez. Reprenez vos sens et déchirez ce bout de papier. Non, mais sérieusement, qu'allez-vous faire ? Mais ne trouvez-vous pas charmant cet exercice ? Laissez-moi vous lire mon catéchisme. Il n'y a que 43 questions et réponses, et je vous assure que plusieurs des répliques du marquis sont très spirituelles. Il faut être juste envers ses ennemis. À quoi bon tout cela ? Mais à préparer mon défi ! Quand le marquis aura fait la 39e réponse, que voici. Peut-être n'avez-vous pas prévu que le marquis pourrait ne pas faire tout à fait les 43 réponses que vous lui prêtez, et qu'en ce cas, certaines de vos épigrammes pourraient perdre beaucoup de leur sel. Mon Dieu ! Que cela est donc simple et juste ! Et dire que je n'y avais pas songé un instant. Monsieur, vous êtes d'une intelligence bien supérieure à la moyenne, vous laisserez un nom. Vous êtes ivre comme un hibou ? Mais non ! Il ne reste qu'à chercher un autre moyen de rompre la glace, si j'ose ainsi dire, entre moi et l'homme que je veux tuer. Et puisqu'il m'est impossible, comme vous l'avez remarqué, avec tant de finesse, de prévoir le tour que prendrait le dialogue, je n'ai, me semble-t-il, qu'à m'en charger moi-même, moi, tout seul. Et par Saint-Georges, c'est ce que je vais faire. Sur cette terrasse, c'est lui. Prenons place à une table voisine, le temps de déguster une bouteille de souvenir. Il n'est pas seul. Deux Français, sans doute. L'un d'eux porte la rosette de la Légion d'honneur. Une bouteille de vin de Saumur, je vous prie, garçon. Deux personnages bien solennels avec leurs redingotes et leurs chapeaux de soie. Tandis qu'avec son chapeau de paille et ses habits légers, le marquis a l'air bohème. Mais bohème et barbare. Un véritable aristocrate. Mais quel mépris dans ses yeux, dans sa tête, orgueilleusement dressée. On dirait presque un roi. Mais pas un roi chrétien, toutefois. Ou certainement. Plutôt l'un de ces tyrans formidables, mi-grec, mi-asiatique, qui contemplaient au jour où l'esclavage était une institution naturelle, la Méditerranée couverte de leurs galères, où ramaient les tremblants esclaves. Ah oui. Ainsi devaient se profiler leurs traits bronzés sur le vert sombre des oliviers et l'ardente azur de la mer. Allez-vous faire un discours devant ce meeting ? Oui, ce meeting me déplaît. Je vais tirer le grand vilain nez d'acajou de ce meeting, sans plus tarder. Regardez bien ! Le nommé jeudi, de J.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le 6e épisode, L'homme aux lunettes noires, avec Pierre Arditi, Saïm, jeudi, Roger Carrel, De Worms, vendredi, William Corinne, Bull, samedi, Julien Guillaumard, le narrateur.

Bonjour, messieurs. Mais c'est Messier Syme, si je ne me trompe. Et vous êtes le marquis de Saint-Eustache. Marquis, voulez-vous me permettre de vous tirer le nez? Hein? Mais qu'est-ce que cela signifie? Allons, monsieur. En voilà des façons. Je dois lui tirer le nez, entendez-vous, messieurs, lui tirer le nez. Mais voyons. Non, vous ne pouvez pas. Calmez-vous. Cet homme m'a insulté. Insultez-vous, et quand donc? À l'instant même. Il a insulté ma mère. Insulté votre mère? Non, pas ma mère, ma tante. D'ailleurs, peu importe. Mais comment le marquis aurait-il pu insulter votre tante? Il ne nous a pas quittés. Par ses paroles. Mais je n'ai rien dit du tout, sauf quelques paroles à propos de l'orchestre. De cette brasserie à côté, je crois avoir observé que cette musique ne supporte pas une exécution imparfaite. C'était une allusion directe à ma famille. Ma tante interprétait très mal ce morceau. C'est là un sujet de conversation qui fut toujours bien pénible pour les miens. On nous a souvent insultés à propos de cela. Nous sommes alors bien extraordinaires. C'est pourtant fort clair, monsieur. Toute votre conversation était pleine de désagréables allusions aux faiblesses de ma tante. Cela n'a pas le sens commun. Pour mon compte, je n'ai pas soufflé mot. Si ce n'est pour dire que cette fille aux cheveux noirs ne me déplaisait pas. Ah ! Nous y voilà. Ma tante était rousse. Je commence à croire que vous cherchez simplement querelle au marquis. Par Saint-Jean, vous êtes rudement malin. Vous me cherchez querelle? À moi? Jamais personne ne m'a longtemps cherché. Ces messieurs auront sans doute l'obligeance de me représenter dans cette affaire. Il y a encore 4 heures avant que le soleil se couche. Battons-nous dès ce soir. Marquis, votre geste est digne de votre réputation et de votre sang. Permettez-moi de consulter les amis auxquels je vais confier mon honneur. J'ai cru que le vin de Saumur vous avait fait perdre la tête. C'est fait. J'ai provoqué la bête. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de temps à perdre en discussion. Vous êtes mes témoins, c'est à vous de prendre toutes les initiatives. Insistez, insistez, sans en démordre, pour que le duel ait lieu demain matin après 7 heures. Ainsi, le marquis ne pourra pas prendre le train de 7h45 pour Paris. Et manquer son train pour lui, c'est manquer son crime. Il ne saurait refuser de s'entendre avec vous sur le léger détail concernant l'heure et l'endroit. Mais voici ce qu'il va faire. Il choisira un pré quelque part, à proximité d'une gare, où il puisse prendre le train aussitôt le combat fini. Il est bon tireur, il aura l'espoir de me tuer assez vite pour pouvoir sauter à temps dans son train. Mais je sais tenir une épée, je pense bien l'amuser assez longtemps, trop longtemps même à son gré. Et quand il aura manqué son train... Peut-être alors aura-t-il la consolation de me tuer. Comprenez-vous? Oui. Bon, alors permettez-moi de vous présenter à 2 gentlemen accomplis. Messieurs, s'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter mes témoins qui mettront au point avec vous les détails de notre affaire. Lord Chippendale et le vicomte of Yorkshire. Colonel Ducroix, pour vous servir, messieurs. Monsieur Jacqueton, pour vous servir, messieurs. Nous vous écoutons, messieurs. Notre ami n'a qu'une exigence, que le duel ait lieu demain matin après 7 heures. C'est sa seule exigence. Elle est raisonnable, me semble-t-il. Nous ne pouvons la refuser. Je la transmets au marquis. De marcher sur les chaussures. Demain matin, après 7 heures. Impossible. Vous devez accepter. Ils penseront que vous vous dérobez, marquis. Demain matin, après 7 heures. Écoutez-moi, messieurs. J'accepte l'exigence de mon adversaire. Mais j'exige, en revanche, que les terrains soient choisis tout près de la ligne des chemins de fer. À la vue de tous? J'ai dit tout près de la ligne des chemins de fer. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Que contemplez-vous avec une telle ferveur, Syme? Oh, simplement ces fleurs printanières, ces fleurs d'or et d'argent qui émaillent les hautes herbes du terrain. De quoi souriez-vous? Quelque chose dans notre aspect? Bah, précisément, oui. Et dans celui des témoins du marquis de Saint-Eustache. Vous semblez étrangement solennel avec vos habits sombres et vos chapeaux pareils à des tuyaux de cheminée. Vous avez l'air d'entrepreneur de pompes funèbres, comme on en voit dans les farces. Bah, je trouve plaisant le contraste entre le morne appareil des hommes... et la joie luxuriante de cette prairie. Voici le marquis. Nul ne dirait qu'il songe à prendre le train. Il arrive sans se hâter, froid et calme, les mains dans les poches. Le chapeau de paille relevé sur le front. N'oubliez pas, faites traîner les choses en longueur. Et vous, Sime, n'oubliez pas le contraste qui vous amusait entre les fleurs d'or et nos chapeaux noirs. Ils viennent. À vous d'agir, je m'écarte. Messieurs. Messieurs. Colonel. Navré. Nous sommes navrés. Et nous donc. Mais comment? Mais enfin. Puisqu'il faut. Oui. Sa tante, Brune. Ah non, Rousse. Monsieur, enfin. Oui, nous vous écoutons, messieurs. Hélas, nous vous écoutons. Nous proposons que le duel soit au premier sang. Au premier sang? Ah bah, voici du nouveau. Ceci n'est pas convenu. Mais n'est-ce pas une solution qui... Qu'en pensez-vous, Mylord? Et vous, Vicomte, il faut en délibérer. L'offense est grave. Monsieur Syme s'y opposera, assurément. Mais comment donc? Et pourquoi donc? C'est que Monsieur Syme... Au premier sang. Oui, au premier sang. Ce n'est qu'une question de méthode, enfin, messieurs, et l'issue du combat... Pour un homme de la valeur bien connue du marquis de Saint-Eustache, colonel, la méthode et l'issue du combat doivent être fort indifférentes. Notre client a de bonnes et solides raisons pour exiger une rencontre sérieuse, une rencontre de longue durée, raison dont la nature extrêmement délicate ne me permet pas d'être plus explicite, mais raisons honorables et justes que je... Bien. Se passe-t-il? Pourquoi toutes ces palabres? Mais si messieurs refusent le premier sang, monsieur le marquis. Ils refusent? Peste. Selon les instructions les plus formelles que j'ai reçues de monsieur Syme, nous insistons au contraire pour que le duel continue jusqu'à ce que l'un des deux adversaires soit hors de combat. Navré, nous sommes navrés. Et croyez bien que nous regrettons. Mais enfin, nos instructions sont formelles. Jusqu'à ce que l'un de vous deux soit hors de combat. Commençons. Les épées. Les voici. Ah, vous permettez que je les examine. Monsieur. Sont-elles bien égales? L'autre? Non, l'autre. Monsieur. Mais va-t-il examiner longtemps? Pressons. Aussi longtemps que les convenances le permettent. Soit. Soit. Commençons-nous, messieurs? Je suis à vous. Cette chose seulement. Et quoi encore? Vicomte, l'autre paire, avez-vous vérifié l'autre paire d'épées? Mais c'est sans fin! Les convenances, marquis. Le cas est trop extraordinaire pour que nous les négligions. Tout doit être fait selon les règles les plus strictes. Enfin! Messieurs, face à face. Jusqu'à ce que l'un de vous deux soit mis hors de combat. Salut les armes. Messieurs, engagez. Au contact du fer, Syme sentit s'évanouir toutes les terreurs diverses dont il avait été assailli pendant les jours précédents. Car il se rendait bien compte de l'égale inanité de ces terreurs, maintenant qu'il était sollicité par une autre peur, impitoyablement réelle celle-là, et contrôlée par le plus grossier bon sens, la peur de la mort. Il était comme un homme qui a rêvé toute la nuit de gouffres et de chutes, et qui apprend en s'éveillant qu'il va être pendu. Car dès qu'il eut vu la lumière scintiller sur la lame du marquis, dès qu'il eut senti le froissement de cette lame contre la sienne, il connut qu'il avait affaire à un terrible tireur, et que selon toute probabilité, sa dernière heure avait sonné. Aussitôt, toute la terre autour de lui, l'herbe à ses pieds, prirent une étrange valeur. De quel intense amour de la vie frissonnait toute chose. Il lui semblait entendre l'herbe pousser, voir s'épanouir dans la prairie de nouvelles fleurs rouges, dorées, bleues, tout le défilé des couleurs du printemps. Mais tout en découvrant dans le spectacle de la vie cette émouvante beauté dont se parlent les choses qu'on va perdre, sa raison gardait une netteté, une clarté cristalline, et il parait les coups de son ennemi avec une précision mécanique dont il se serait à peine jugé capable. L'épée de Syme pénétra dans le cou du marquis sous la mâchoire, du moins eut-il cette impression. Elle en sortit intacte. l'approche du train de Paris avait déchaîné la folie combative du marquis. Deux fois en parant, Sime fit voler l'arme de son adversaire hors du cercle de combat. Et sa riposte fut si rapide que cette fois, il n'y avait nul doute possible. Son épée aurait dû balafrer le visage de l'adversaire. À ce visage, pas une égratignure. Que signifie ? Pas de sang. Oh, le train. Finissons-en. A-t-il un charme ? Oh, cet homme est un diable. Peut-être le diable. En tout cas, par trois fois, mon épée l'a atteint vainement. Mais après tout, je suis plus que le diable. Je suis un homme. Je puis faire une chose que Satan lui-même ne peut pas faire. Je puis mourir. Arrêtez ! J'ai quelque chose à dire. Quoi donc ? Y a-t-il eu quelque irrégularité ? Monsieur Sime, si je ne me trompe, nous nous battons en ce moment parce que vous avez exprimé le désir, à mon avis, peu raisonnable de me tirer le nez. Et voulez-vous avoir la bonté de me le tirer sur le champ, aussi vite que possible ? Il faut que je prenne ce train. Je dois avouer que je ne connais d'un tel procédé aucun précédent. On ne veut guère soutenir que le nez soit une arme. Mais voulez-vous me tirer le nez ? Oui ou non ? Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'importance que la chose a pour moi. Ne soyez pas égoïste. Tirez-moi le nez, puisque je vous en prie. Puisque vous insistez... Oh ! Dieu ! Un masque ! Ah, je comprends maintenant pourquoi mon épée... Un masque ? Un masque ! Vous avez abusé, monsieur. Colonel Ducroix, permettez-moi de vous offrir mon sourcil gauche. Si j'avais su que je servais de témoin à un poltron... Bon, vous voyez bien que le train est en gare, qu'il va partir. Je ne partirai pas par ce train. Grand, gras, loup, stupide et bruyant imbécile. Écervelé, abandonné de Dieu, chancelant et damné imbécile, stupide navet, tête de pipe, tête... Vous ne partirez pas par ce train ! Et pourquoi ? Par le feu de l'enfer. Nous savons tout. Vous voulez jeter votre bombe à Paris. Et faut-il que vous soyez tous fêlés du cerveau pour ne pas deviner qui je suis ? Pensez-vous sérieusement que je tienne beaucoup à prendre ce train ? Il peut bien m'en passer 20 sous le nez. Au diable, le train de Paris ! Mais alors, que craignez-vous donc si fort ? Ce que je craignais ? Ce n'était pas de ne pas pouvoir prendre le train, c'était d'être pris par lui. Et voilà qu'il me prend. J'ai le regret de vous informer que vos explications ne rencontrent pas mon intelligence. Vous dites que le train vous a pris. Qu'entendez-vous par là ? Car je suis convaincu, peut-être n'est-ce chez moi qu'une fantaisie professionnelle d'homme de lettres, que cela doit avoir un sens. Cela signifie la fin de tout. Cela signifie que maintenant, Dimanche nous tient dans le creux de sa main. Nous ? Qui nous ? Qui ? Docteur de Worms ? Mais nous tous ! La police ! Quoi ? Vous êtes un policier ? Je suis l'inspecteur Radcliffe, un nom bien connu dans la police. Quant à vous, je vois parfaitement que vous en êtes. Vous aussi, docteur Bull, je vous reconnais, malgré l'absence de vos lunettes. Si vous doutez de mes paroles, voici ma carte. Oh, ne nous la montrez pas, je vous en apprie. Nous en avons déjà de quoi organiser un jeu de société. Enfin, messieurs, que signifie tout ceci ? On se moque de nous ! Notre honneur de... Colonel, nous ne sommes pas des bouffons. Nous sommes des hommes qui luttons contre une vaste conspiration. Une société secrète d'anarchistes nous poursuit comme des lapins. Colonel Ducroix, je ne voudrais pas le moins du monde peser sur votre décision, mais j'estime que notre présence ici ne serait plus expliquée. Et je vous informe que je rentre en ville de ce pas. Non, par Saint-Georges, je ne vous suivrai pas, Jacques-Ton. Si ces messieurs sont vraiment aux prises avec ces vils coquins, j'entends les aider jusqu'au bout. J'ai combattu pour la France, je saurai combattre pour la civilisation. Bravo, colonel. Mais ne faites pas trop de bruit, Dimanche pourrait nous entendre. Dimanche ? Mais oui, il est peut-être avec eux. Avec qui ? Mais avec ceux qui viennent de descendre de ce train. Tout ce que vous dites est singulièrement incohérent. Mais voyons, au fait, mais mon Dieu, mais alors, tout notre conseil anarchiste était donc composé d'ennemis de l'anarchie ? Il n'y avait que des détectives, excepté le président et son secrétaire particulier. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ce que cela signifie... que nous sommes morts. Ne connaissez-vous pas Dimanche et ses plaisanteries à la fois si simples et si énormes qu'elles sont toujours incompréhensibles ? Y a-t-il rien de mieux en harmonie avec le caractère étonnant de Dimanche que ce fait ? Introduire ses ennemis au Conseil suprême, en s'arrangeant de telle sorte que ce conseil ne soit pas suprême du tout. Je vous le dis, il a acheté tous les trusts, il a capté tous les câbles, il a le contrôle de tous les réseaux de chemin de fer, et en particulier de celui-ci. C'est lui qui a tout mis en mouvement. À son ordre, la moitié du monde est prête à se lever. Il n'y avait peut-être que 5 hommes qui fussent capables de lui résister, et ce vieux diable a réussi à les faire entrer dans son conseil, afin qu'ils perdissent leur temps à ses pieds les uns les autres. Nous avons agi comme des idiots. Et c'est lui qui nous a frappés d'idiotie. Et il combinait de grands mouvements de capitaux, il s'emparait des lignes télégraphiques, pendant que nous autres idiots, nous courions les uns après les autres. Il nous trouve aujourd'hui, jouant à Colin Maillard dans un champ d'une grande beauté rustique, en pleine solitude. Il a mis la main probablement sur l'univers. Vous vouliez savoir pourquoi je redoutais l'arrivée de ce train? Je vais vous le dire. C'est parce que dimanche, où son secrétaire vient justement d'en descendre. Quoi? Un groupe de gens se dirige vers nous. Impossible de distinguer leur visage. C'était une habitude de feu, monsieur le marquis de Saint-Eustache, d'avoir toujours sur lui des jumelles d'opéra. Ou le président, ou le secrétaire nous poursuit à la tête de cette armée de bandits. La situation n'est pas aussi désespérée. Ces gens sont en nombre, mais pourquoi ne seraient-ils pas tout simplement de paisibles touristes? Est-il dans l'usage des paisibles touristes, professeur, de se promener avec des masques noirs qui leur couvrent la moitié du visage? Donnez-moi ces jumelles. Il est parfaitement vrai que 2 ou 3 personnes du premier plan portent un masque noir. Tout en causant, voilà qu'ils se mettent à sourire. Et l'un d'eux ne sourit que d'un côté. Le secrétaire, lundi. Le président n'est pas avec eux. Ils sont bien loin encore à l'horizon. Comment, à cette distance, pourriez-vous reconnaître votre président? Aussi aisément que je pourrais, à cette distance, distinguer un éléphant blanc. Comme vous le dites, ils sont loin encore, mais si le président était avec eux, je crois parbleu que le sol frémirait déjà sous nos pieds. Non, il n'est pas là. Et moi, je voudrais qu'il y fût. Car très probablement, à cette heure, il fait à Paris une entrée triomphale. À moins qu'il ne se soit assis sur les ruines de la cathédrale Saint-Paul. C'est absurde! Peut-être s'est-il en effet passé quelque chose depuis notre départ de Londres, mais il est impossible qu'il ait ainsi pris le monde d'assaut. Oui. C'est toute une foule qui vient à nous, mais ça n'est pas l'armée organisée que vous y voyez. Oh, ce n'est pas eux qui sont à craindre. Mais permettez-moi de vous faire observer que la force de cette racaille est proportionnée à la nôtre, et que nous ne sommes pas grand-chose, mon ami, dans l'univers soumis à dimanche. Il s'est personnellement assuré de toutes les lignes télégraphiques, de tous les câbles. Quant à l'exécution des membres du Conseil suprême, ce n'est rien pour lui. Ce n'est qu'une carte postale à mettre à la poste. Et le secrétaire suffit à cette bagatelle. Messieurs, il y a bien des choses à dire en faveur de la mort. Mais si l'un de vous se sent quelque préférence pour la vie, je lui conseille de me suivre. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, 7e épisode, le duel, avec Pierre Arditi, Syme, Roger Carrel, De Worms, Roger Mollien, Saint-Eustache, Radcliffe, William Corrin, Bull, Yves Penaud, le colonel Ducroix, Philippe Lodenbach, Jacton, Julien Guillaumard, le narrateur. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland Manuel. C'était L'homme aux lunettes noires, puis Le Duel. Ces épisodes, 6e et 7e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 12 et 13 septembre 1983. À suivre, La Terre en anarchie. Le roman Le Nommé Jeudi est publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Vous pourrez réécouter ces épisodes en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.